ton souffle m'attache. Chaque mot gravit une douce tâche. Tes lèvres brûlent dans le secret. Chaque désir s'enlace muet. Alors qu'il murmure près de moi. Savoir au camp m'emprisonne et me noie. Nos deux souffles serrent la nuit. Chaque frisson s'écrit en cri. Whisper softly. Call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Ride or skin, your voice and mine. Born of darkness, carved in sound. Every whisper pulls me down. We are writers, skill eternal. And our voices on the ground. Ton souffle trace l'éclat du vent. Chaque frisson devient un serment. Je ferme les yeux, l'ombre m'embrasse. Chaque mot brûle, chaque instant s'efface. Lorsqu'il marche dans la nuit, sa voix rauque m'appelle, me suit. Nos murmures glissent dans l'air froid. Chaque désir s'attache à toi. Nos voix flottent, nos corps se taisent. Chaque vibration s'appelle. La baisse, nos chants dérivent, chaque patience ravit. Whisper softly, call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Rider's skill. Your voice and mine, born of darkness, carved in sound. Every whisper pulls me down. We are writers, skill eternal, and our voices haunt. Chaque mot devient prière. Je sens ton souffle franchir mes murs. Chaque mot résonne obscur. Rider's Guild s'ancre dans l'éther. Sa voix sombre. Nos murmures s'allongent sans fin. Chaque secret s'imprime en main. Whisper softly, call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Ride a skill, your voice and mine. Born of darkness, carved in sound. Every whisper pulls me down. Ride a skill.